الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Parmi les erreurs propagées à notre époque par les ignorants et les prêcheurs égarés, que l'islam est une religion d'égalité. Et ceci est une parole grave qui contredit le Coran et la Sunna. Et il incombe aux musulmans de ne pas prononcer de paroles sur la religion lorsqu'il est ignorant. Comme Allah Azza wa Jal dit: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Et ne parle pas sur ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, on sera interrogé. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Dit, mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, tant apparentes que cachées, de même que le péché, l'agression sans droit, et d'associer à Allah ce sur quoi il n'a descendu aucune preuve. C'est-à-dire, toute association à Allah, c'est sans preuve. Et que vous disiez sur Allah ce que vous ne savez pas. Donc ça, c'est parmi les pires choses qui soient, être parlé sur le dîn sans science. Et l'égalité, c'est de mettre plusieurs choses différentes au même niveau. Alors que l'équité et la justice est de placer chaque chose à l'endroit convenable et de lui donner son droit. Donc il y a une différence entre l'égalité et l'équité et la justice. Et comme on va le voir, Inch'Allah, que l'égalité, c'est pas une chose qui est établie par le livre et la sunna, entre des choses différentes. Mais l'équité et la justice, c'est ce qu'Allah Azza wa Jalla a ordonné. Et l'équité, c'est le contraire de l'injustice. Et l'injustice, c'est de placer une chose à un endroit qui n'est pas le sien. Et le fait de dire que deux choses différentes sont égales, ça ne s'accorde pas avec la raison. Comme Allah Azza wa Jalla dit: وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ. Et l'aveugle et le clairvoyant ne sont pas égaux, ni les ténèbres et la lumière, ni l'ombre et la chaleur. Tout comme les vivants ne sont pas égaux aux morts. Et Allah fait entendre qui il veut, et tu ne fais pas entendre ceux qui sont dans les tombes. Donc ça, la raison, elle accepte clairement que ces choses-là ne sont pas égales. Et Allah Azza wa Jal a appelé à l'équité et la justice, et l'a ordonné. Et son contraire, donc comme je l'ai dit, est l'injustice. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: Inna Allah ya'muru bil adl. Allah ordonne l'équité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est venu dans le hadith Qudsi, apporté par un muslim d'après Abu Dhar, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Ya ibadi, inni harramtu dhulma ala nafsi, wa ja'altuhu baynakum muharrama, fala tazalamu. Ô mes serviteurs, je me suis interdit à moi-même l'injustice, et vous l'ai interdit, alors ne vous faites pas d'injustice. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de juger avec équité. Inna Allah ya'murukum an tu'addu l'amanati ila ahliha. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِذُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. Allah vous ordonne de rendre les dépôts à leurs gens. Et lorsque vous jugez entre les gens, de juger avec équité. Comme est bon ce qu'Allah vous ordonne et vous enjoint. Et Allah est clairvoyant et entendant. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Et lorsque deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Et si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui s'est rebellé jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. Puis, s'il s'y conforme, réconciliez-les avec justice. Réconciliez-les avec justice, avec adl, avec justice et équité. Et soyez équitables, car Allah aime les équitables. Et il n'y a rien donc dans le Coran et la Sunna qui indique que l'islam soit la religion de l'égalité. Et c'est même le contraire. Mais nombreux sont ceux qui visent des objectifs précis avec cette parole. Parmi ces objectifs, de prétendre que le muslim et le kafir sont égaux. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit: Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. Les pieux seront auprès de leur Seigneur dans des jardins, les jardins du délice. Placerons-nous les musulmans comme les criminels, c'est-à-dire les mécréants? Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Subhanallah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ. Et nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qu'il y a entre eux en vain. Ceci est ce que pensent ceux qui ont mécru, alors malheur à ceux qui ont mécru de l'enfer. Ou bien placerons-nous ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres comme les corrupteurs sur terre, ou bien placerons-nous les pieux comme les pervers. Donc ceux-là ne sont pas égaux. Ceux-là ne sont pas égaux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre. Et Allah azzawajal n'a pas fait du pervers l'égal du bon, ni de ce qui est mauvais l'égal de ce qui est bon. قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dis, ce qui est mauvais n'est pas égal à ce qui est bon, même si tu es étonné par la multitude de choses mauvaises. Donc craignez Allah, ô vous qui êtes intelligent, afin que vous réussissiez. L'imam As-Sa'di a dit, le bon n'est pas égal au mauvais en toute chose. La foi n'est pas égale à la mécréance, ni l'obéissance à la désobéissance, ni les gens du paradis aux gens de l'enfer, ni les mauvais actes aux actes pieux, ni l'argent licite à l'illicite. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Est-ce que celui qui passe sa nuit en salat, prosterné et debout, en craignant l'au-delà et en espérant la miséricorde de son Seigneur, c'est-à-dire est-ce qu'il est semblable à celui qui ne fait pas ça, à celui qui est à l'opposé de ça, dit, est-ce que ceux qui savent sont égaux à ceux qui ne savent pas? Mais seuls les gens intelligents pensent à cela. L'imam As-Sa'di, rahimahullah, a dit, voici une opposition entre celui qui agit dans l'obéissance à Allah et autre que lui, et entre le savant et l'ignorant, et que ceci fait partie des choses dont la différence est établie et bien connue. Celui qui s'écarte de l'obéissance de son Seigneur et suit sa passion n'est pas comme celui qui obéit à Allah en accomplissant la meilleure adoration qui est la salat dans le meilleur temps qu'est la nuit. Allah l'a caractérisé par le meilleur acte, puis l'a caractérisé par la peur et l'espoir, en citant que la peur est rattachée au châtiment de l'au-delà par rapport au péché passé, et que l'espoir est rattaché à la miséricorde d'Allah. Il l'a donc caractérisé par les actes apparents et cachés. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ. Dit, sont-ils semblables ceux qui connaissent, c'est-à-dire leur Seigneur, et connaissent sa religion et sa rétribution, et ce que ça contient comme sagesse et secret? وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Et ceux qui ne connaissent rien de tout cela. Ceux-ci ne sont pas égaux à cela. Tout comme la nuit et le jour, la clarté et la pénombre, l'eau et le feu. إِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا إِذَا ذَكَرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ. Mais seuls les gens intelligents, lorsqu'ils y pensent, se rappellent de tout cela et y réfléchissent. Ce sont les gens intelligents qui préfèrent ce qui est élevé à ce qui est bas. Ils préfèrent donc la science à l'ignorance et l'obéissance à Allah à sa désobéissance, car ils ont des raisons qui les poussent à regarder la finalité au contraire des gens bêtes qui prennent leur passion comme divinité. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Ne sont pas égaux. Les gens de l'enfer ne sont pas égaux aux gens du paradis. Les gens du paradis, ce sont eux qui ont réussi. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet des messagers: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. Voici les messagers. Nous avons favorisé certains d'entre eux sur d'autres. Parmi eux, il y en a à qui Allah a parlé, et il en a élevé certains en degré. Donc les messagers sont les meilleurs des êtres humains, et ils ne sont pas égaux entre eux dans les mérites. Et les croyants entre eux ne sont pas égaux. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. Et qu'avez-vous à ne pas dépenser dans le sentier d'Allah, alors qu'à Allah appartient l'héritage des cieux et de la terre? Ne sont pas égaux parmi vous ceux qui ont dépensé avant Al-Fatḥ, le pacte d'Al-Hudaybiyah et l'ouverture de Mecca, et qui ont combattu avant ça? Ceux-là ont des degrés plus élevés, c'est-à-dire auprès d'Allah, Azzawajal, que ceux qui ont dépensé après et ont combattu après. Et à chacun, Allah, Azza wa Jal, a promis la bonne récompense. Et Allah sait bien ce que vous faites. Donc les croyants entre eux ont des degrés et ne sont pas égaux. De même que le croyant est supérieur au mécréant. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit « La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghayru ulid darar wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala al qa'idina darajah » وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. Ceux qui restent en arrière et qui n'ont pas d'excuses ne sont pas égaux à ceux qui combattent dans le sentier d'Allah avec leurs biens et leurs personnes. Allah a octroyé des degrés supérieurs à ceux qui combattent par leurs biens et leurs personnes sur ceux qui restent en arrière. Et à chacun, Allah a promis la bonne récompense. Et Allah a préféré ceux qui combattent sur ceux qui restent et leur a octroyé une énorme récompense. Et il est établi dans les deux sahih, d'après Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a qal, inna fil jannati mi'ata daraja, a'addaha Allahu lil mujahidina fi sabilih, ma bayna kulli darajatayni kama bayna as-samai wal ard. Il y a au paradis 100 niveaux qu'Allah a réservés pour les combattants dans son sentier. Entre chaque niveau, il y a comme ce qu'il y a entre le ciel et la terre. Et Al-Bukhari rapporte d'après Sahl qu'un homme noble passa près du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit « Que dites-vous de celui-ci ?» Ils répondirent « Il est apte à être marié lorsqu'il demande une femme, et son intercession est acceptée lorsqu'il l'a fait, et il est écouté lorsqu'il parle. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tut, puis passa un pauvre parmi les musulmans. Il dit « Que dites-vous de celui-ci ?» Ils répondirent « Il n'est pas apte à être marié lorsqu'il demande une femme, ni à ce que son intercession soit acceptée lorsqu'il l'a fait, ni à être écouté lorsqu'il parle. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors « Hada khayrun min mil'il ardi mithla hada » Celui-ci est meilleur, c'est-à-dire ce pauvre, est meilleur que la terre remplie de celui-là, c'est-à-dire le premier homme. Et Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé l'égalité dans son livre. En disant « Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a » Ils aimeraient, c'est-à-dire les kuffars, que vous mécroyez comme ils ont mécru, afin que vous soyez égaux dans la mécréance. Wallahu musta'an. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit « Walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna huda Allahi huwa al-huda. » ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Et les juifs et les chrétiens ne seront satisfaits de toi que lorsque tu suivras leur religion. Dis, c'est la guidée d'Allah qui est la véritable guidée. Et si tu suivais leur passion, après ce qui t'est venu de science, tu n'aurais envers Allah aucun allié ni secoureur. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet d'épouser des associateurs, وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٌ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. Et n'épousez pas les associatrices jusqu'à ce qu'elles croient. Et une esclave croyante est meilleure qu'une associatrice, même si elle vous plaît. Donc la croyante, même si elle est esclave, elle est meilleure. Il n'y a pas d'égalité. Elle est meilleure de par sa foi. Et c'est la première chose la plus importante dans les degrés entre les gens. C'est la foi et la piété. Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble de vous auprès d'Allah, c'est le plus pieux. Donc cette croyante, cette esclave croyante est meilleure qu'une associatrice libre, même si elle vous plaît. Et Allah interdit de se marier avec l'associatrice. et ne mariez pas les associateurs jusqu'à ce qu'ils croient. Et un esclave croyant est meilleur qu'un associateur, même s'il vous plaît. Donc même de marier un esclave croyant à sa fille ou autre, du fait qu'il est croyant, c'est meilleur que de la marier à un associant. Et marier une muslima à un associateur, c'est pas permis. Et le fait que ça soit meilleur de la marier à un esclave croyant, ça indique pas que le fait de la marier à un associateur, à quelqu'un qui est pas musulman, ça soit permis. Et parmi les égalités niées, l'égalité entre l'homme et la femme. Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَلَيْسَ دَكَرُ كَالْأُنْثَى » Et l'homme n'est pas comme la femme. Et Allah azza wa jal a préféré les hommes aux femmes. Ceci relativement à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque les femmes désirèrent attendre ce que les hommes faisaient, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé sa parole « وَلَا تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْدٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا » Et n'espérez pas ce qu'Allah a octroyé à certains d'entre vous sur d'autres. Aux hommes, une part de ce qu'ils ont acquis, et aux femmes, une part de ce qu'elles ont acquis. Et demandez à Allah de sa grâce, et Allah est bien connaisseur de ce que vous faites. L'imam As-Sa'di, rahimahullah, a dit, Allah a interdit aux croyants d'espérer d'avoir ce qu'Allah a accordé à certains comme chose possible et impossible. Que les femmes n'espèrent donc pas obtenir les spécificités des hommes qu'ils ont en plus des femmes. Ni le pauvre ou le diminué ne doit espérer la situation du riche ou du complet sans autre motif. C'est-à-dire simplement sans autre but que d'avoir la même chose que lui. Car cela est de la simple jalousie. Espérer le bienfait d'Allah donné à un autre pour que tu l'obtiennes et qu'il lui soit retiré. Et car cela inclut le fait de s'énerver contre le décret d'Allah et rester dans la paresse et l'espoir vain qui n'est pas accompagné d'actes. Mais deux choses sont louables. Que la personne fasse des efforts selon sa capacité dans ce qui lui est bénéfique dans sa religion et sa vie, tout en demandant à Allah de sa grâce et de ne pas compter sur lui-même ni personne d'autre, mais simplement sur son Seigneur. Subhanahu wa ta'ala. Fin de citation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé la diminution des femmes en raison et en religion, comme dans les deux sahihs. Et la diminution en raison est que le témoignage de deux femmes équivaut à celui d'un homme. Donc il n'y a pas d'égalité. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. Dans le verset de la dette, qui est le plus long verset du Coran, et faites témoigner deux témoins parmi vos hommes. Et si vous ne trouvez pas deux hommes, alors un homme et deux femmes. Donc là, le deuxième homme, il est remplacé par deux femmes, et pas une seule femme. Parmi ceux que vous agréez comme témoins, si l'une d'elles oublie, alors l'autre lui rappellera. Et la diminution en religion est que la femme délaisse la salat et le jeûne lors de ses loshis et menstrues. Et ce qui prouve également que l'égalité va à l'encontre de l'équité, et la parole d'Allah Azza wa Jalla sur l'héritage. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حد الأنثيين. Allah vous exhorte quant à vos enfants pour le garçon la part de deux filles. Donc dans l'héritage, la femme prend toujours deux fois moins que l'homme à des degrés égaux. De même, c'est l'homme qui dépense pour sa femme. De même, dans le sens contraire, il n'y a pas d'égalité. La femme, il lui est pas demandé de dépenser pour l'homme, et c'est l'homme qui dépense pour sa femme. Allah Azza wa Jalla dit الرجال قوامون على النساء بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْدٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. Les hommes ont la précédence sur les femmes, de ce qu'Allah leur a octroyé, certains d'entre eux sur d'autres, et de ce qu'ils dépensent de leurs biens. Et même les koufars qui prônent l'égalité des sexes et autres bêtises, lorsqu'il y a des divorces, on n'entend jamais une pension alimentaire que la femme donne à son mari, et que les enfants vont au mari. On n'entend jamais ça. Donc où est l'égalité ? Mais ça va que dans un sens, Wallah al-Musta'an, chez les gens bêtes de notre époque, car c'est réellement de la bêtise, même si eux prétendent avoir atteint des degrés dans le modernisme, Wallah al-Musta'an. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a cité les droits de l'épouse envers son mari, comme dans Sunan Abi Daoud d'après Mu'awiyah, en disant « An tut'imaha kama ta'imta wa taksuwaha kama ktasayt » et que tu la nourrisses comme tu te nourris, et la vêtise comme tu te vêtis. Mais c'est pas la femme qui doit nourrir son mari ou le vêtir. Et le hadith est jugé hassan par l'imam al-Wadi'i, rahimahullah. Et l'homme donne la dot, le mahr, à la femme lors du mariage. Et c'est lui qui dépense pour elle et ses enfants ainsi que lors du divorce et qu'elle allaite son enfant. Allah Azzawajal dit « فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَدَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْدَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ » Et dépensez pour elles jusqu'à ce qu'elles accouchent. Et si elles allaitent pour vous, alors donnez-leur leur récompense. Et l'équité et la justice, qui sont donc prônées par l'islam, au contraire de l'égalité, sont vantées dans les textes, même à l'encontre de l'ennemi. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ô vous qui croyez, soyez droits pour Allah et témoignez avec équité, et que la haine d'un peuple ne vous pousse pas à ne pas être équitable. Soyez équitable, c'est plus proche de la piété. Et craignez Allah, et Allah sait bien ce que vous faites. Donc l'équité a été répétée plusieurs fois dans ce noble verset. Tout comme l'équité est ordonnée envers les enfants, comme rapporté dans les deux sahihs d'après Nu'man ibn Bashir, radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « I'adilu bayna awladikum » Soyez équitables entre vos enfants, c'est-à-dire ne préférez pas certains d'entre eux à d'autres. Et ça, c'est ce qui cause beaucoup de tort dans les familles lorsque ceci apparaît. Wallahu al-musta'an. Et les équitables auront une place noble le jour du jugement. Comme rapporté par Muslim d'après Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innal muqsitina indallahi ala manabira min nur, an yamini ar-Rahmani wa kilta yadayhi yamin, alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa man walaw. » Les équitables seront sur des minbars de lumière auprès d'Allah le jour du jugement, à la droite d'ar-Rahman, et ses deux mains sont droites. Ceux qui sont équitables et justes dans leur jugement et leur famille et ceux dont ils ont la charge. Et le dirigeant équitable sera sous l'ombre d'Allah le jour du jugement où il n'y aura pas d'ombre autre que la sienne, comme rapporté dans les deux sahih, à l'imam al-adl. Donc il n'y a pas d'égalité entre deux choses contraires et ceci est de l'injustice et s'oppose clairement à la justice prônée par Allah subhanahu wa ta'ala dans sa noble religion et qu'il nous est obligatoire de suivre. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك